بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثامن في أعظم أمور من أمور ديننا، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. C'est notre huitième rencontre autour l'un des sujets les plus importants de notre religion, sinon l'important de notre religion et le pilier principal de cette religion, qui est le fait, qui est le monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa, comme nous avons vu ce matin, qu'il y a beaucoup d'ignorance à ce niveau-là, et que ceux qui ignorent notre position vis-à-vis d'eux, c'est de les appeler, c'est de leur authentifier leurs croyances, et c'est d'essayer de les éclairer sur ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous, hein, et d'essayer de dissiper les nuages d'ambiguïté et de nettoyer l'étoile d'araignée qu'il y a dans leur esprit sur ce sujet qui est très important de notre religion, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car beaucoup parmi nos contemporains et parmi ceux que nous côtoyons et parmi nos darons et nos madres, hein, approuve le monothéisme. Mais seulement la religion leur a été transmise avec plein d'ambiguïté. Il leur a été pas bien transmise. Ce qui fait qu'ils ont vu leur grand-mère agir ainsi et ainsi de suite. Hein? Le frère leur ont toujours enseigné comme quoi il n'y a pas de problème d'avoir une amulette. Il n'y a pas de problème d'avoir des petits gris-gris quand on a un enfant. Hein? Et donc, ils croient que ça, c'est la vérité, parce que leur confiance était une confiance aveugle dans le fait. Était une confiance aveugle dans celui qu'ils ont choisi comme président pour la prière. Et donc, ne t'étonne pas. Mais si on utilise la sagesse et le langage adéquat pour authentifier tout ça, on y arrivera. Mais si du jour au lendemain, on force la situation, on casse tout. Hein? Si du jour au lendemain, on veut que les choses changent et qu'ils deviennent des Abu Bakr et des Omar et que les femmes deviennent des Aïcha et des... Hein? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc il faut accomplir la da'wah avec ses piliers, qu'ils soient basés sur la science et qu'ils soient accompagnés de grandes sagesses. Et quand on débat de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, c'est dans laquelle il y a que tu as le sentiment, que ton sentiment, c'est de sortir celui qui est dans l'erreur, de le sortir de l'erreur. Hein? Et qu'il le sente, que tu as pitié de lui. Hein? Ou malgré qu'il arrive, malgré comment il s'emporte quoi que ce soit, toi, tu te dis que ton devoir, c'est de l'aider à sortir de là. Donc tu ne dois pas t'emporter. Parce que c'est toi le gagnant. C'est toi, tu as une situation en or avec laquelle tu vas gagner l'agrément d'Allah. Et tu vas faire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Tu vas peut-être, en corrigeant une personne, peut-être beaucoup de personnes vont le suivre. Hein? Donc il faut que ta pensée soit loin, que tu projettes au lointain. Il ne faut pas regarder le bout de son nez. Hein? Il ne faut pas regarder le bout de son nez. Là, il faut projeter tout, il faut voir au loin. Hein? Et la dureté est toute chose qui n'est pas accompagnée de douceur et de pitié, c'est une chose qui va, qui l'aide. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, مَا كَانَ الشَّيْءُ مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا كَانَتْ الشِّدَّةُ وَالْقَسْوَةُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَتْ. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, tant que la douceur est dans quelque chose ou là dans un acte, il va l'embellir. Et tant que la sévérité et la dureté est dans un acte, il va le rendre laid. Donc il faut que nous soyons ainsi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé quoi? Sa description, quoi il a dit? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme clémence pour les mondes. Le monde d'El Jinn et le monde des humains. Et il a décrit Allah, Azzawajal, ainsi, certes, wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, tu es sur le plus noble et le plus important, hein, le plus noble des comportements. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire que le seul modèle que nous devons avoir, Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ben nous devons le prendre comme modèle. Pas que ça reste que des paroles. Pas que ça reste que des paroles. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Vous avez l'un des meilleurs exemples dans le messager d'Allah pour celui qui croit en Allah et en le messager alayhi salatu wassalam. Il faut qu'on se rappelle que ces personnes qui nous entourent, qui disent la ilaha illallah, qu'au moment de la prière, prennent la même direction que toi et prient à côté de toi, ne sont pas pires que Pharaon. Ils n'arriveront pas à la cheville de Pharaon. Pharaon a prétendu qu'il est le souverain de ce monde et qu'il est le seul digne d'être adoré. Et aucune personne âgée à côté de toi et aucun commun des musulmans qui est à côté de toi ne t'a appelé à l'adorer, ni il a prétendu d'être le souverain des mondes. Alors que malgré que Pharaon a agi ainsi, Moussa et Haroun, alayhi salatu wassalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala les envoie à Pharaon, wa qula lahu qawlan layyina. Et dites-lui une parole douce. Pourtant, il a prétendu être le souverain des mondes. Il a prétendu être le seul pour lequel le peuple de Banu Israël est le peuple dans lequel, sur lequel il régnait, doivent adorer. Il est le seul pour eux. Il ne leur connaît aucun dieu que lui. Donc, est-ce que les ignorants dans notre communauté sont à ce pied-là, sont arrivés à ce point-là? Réfléchissons. Hein? Donc, ici, Pharaon, c'est Moussa et Haroun, alors que Moussa fait partie Ulul Azm min ar-Rusul, parmi les cinq plus grands prophètes de la communauté humaine. Hein? Et doué de ferme résolution, reçoivent cet ordre-là, Moussa reçoit cet ordre d'être doux avec Pharaon. Dites-lui une parole douce. Qu'est-ce qu'il en est de nous et de ceux qui nous entourent? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand son peuple lui a fait ce qu'il lui a fait, il n'a pas accepté. Quraysh n'ont pas accepté. Il est sorti de la Mecque. Il est allé chercher aide et chercher des gens qui veulent s'allier à lui pour lui faire triompher sa religion. Il est allé voir Taqif. Et pourtant, les gens Taqif, de la tribu de Taqif, qui sont les habitants d'Il-Taif, lui ont répliqué avec, lui ont fait très mal. Un mal psychique qui l'a atteint à l'intérieur parce qu'ils l'ont pris comme menteur. Un lui a dit, c'est toi, c'est Allah, Allah n'a rien trouvé d'envoyé que toi. L'autre lui a dit, c'est toi, tu es le messager d'Allah, moi je n'ai pas à te parler. Et si tu mens sur Allah, donc je n'ai rien à faire avec toi. Allah c'est le moindre. L'autre lui a dit, c'est Allah, toi il t'a envoyé, moi je vais. Il a employé une expression que même, c'est pas la peine de la traduire. Et c'est une expression dure. Et compte. Et pourtant, son peuple lui ont fait subir beaucoup de choses. Aïcha radiallahu anha demande à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as vécu quelque chose de plus dur que le jour de Houd? Le jour de Houd, c'est une journée énorme pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Très dur pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a perdu son un ami d'enfance, et son oncle et son frère de lait, Hamza, allez, radiallahu anhu arda. Il a perdu 70 compagnons. Une grande catastrophe. Et pourtant, et lui-même, on lui a cassé sa dent. Et l'armure qu'il avait sur la tête est rentrée dans sa tête, il lui a ouvert la tête. Et le sang coulait sur le visage de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha lui dit, est-ce que tu as vu un jour plus dur que Uhud? Il dit, certes, il y a Aïcha. Il lui a conté ce que lui ont fait subir les gens de Taif et la tristesse avec laquelle il est revenu de Taif. À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange des montagnes. Et Jibril est venu voir Mohammed alayhi salam et m'a dit, voici l'ange de montagne qui te salue. Il est envoyé min Allah. Et l'ange de montagne lui a dit, lui fait ses salutations, lui a dit, Allah, il sait ce que ton peuple t'a fait subir, il t'a dit, maintenant, j'attends ton ordre. Allah, il m'a mis à ton service. Donne-moi l'ordre. Si tu veux, les deux montagnes qui entourent la Mecque, je vais les retourner sur tout ce monde-là et l'affaire est terminée. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit non. J'espère qu'Allah sortira de leur descendance des gens qui l'adorent, qui ne lui font aucun associé. Le fait de frapper quelqu'un, c'est un mal. Il y a qui ça fait du mal à la personne. Mais le fait de démentir quelqu'un, de lui dire que tu es un menteur, c'est pire. C'est plus dur que de frapper quelqu'un. Quelqu'un te frappe, t'arrives à oublier. Mais quand quelqu'un te blesse avec la parole, et quand tu es prophète d'Allah, et on te dit que tu es menteur ou que tu es sorcier, imagine-toi la situation. Toi, c'est ton copain dans la rue qui te dit que tu mens comment tu es. Qu'est-ce qu'il en est d'un prophète, alayhi salatu wassalam? Et les prophètes ne connaissent pas le mensonge. Et ce que connaissent les gens de leurs prophètes, c'est la véracité, et qu'ils sont dignes. Et regarde, malgré tout ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala sortira de leur descendance des gens qui l'unifient, qui lui réservent le culte exclusivement. Enfin, tout ceci pour se rappeler que malgré tout, alors on ne sera pas mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait obligatoire que tout ce que nous faisons doit être calqué sur les orientations de Mohammed alayhi salatu wassalam, dans tout ce que nous faisons, dans nos croyances, dans nos adorations, dans notre comportement avec autrui, dans notre comportement avec nos femmes, avec nos enfants, avec les sociétés dans lesquelles on évolue, on vit, et ainsi de suite. Et كثير من المسلمين يخوض الإسلام لا يشعرون أنهم يشركون بالله عز وجل اليوم ولو قلت لأحدهم أن الله قريب منك واسمع لقوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني الله قريبا بعيد فهو يقول أنه قريب سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد فهو عز وجل فوق عرشه ومع ذلك هو قريب منك فوق السبع السماوات وفوق العرش العظيم ومع ذلك هو أقرب منك واعلم ما تعلن وما تسر واعلم عز وجل ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهو فوق كل شيء عز وجل ويعلم ما في جوف الأرض وما فوقها ويعلم وله علم كل شيء وكل دابة تدب على هذه الأرض إلا ويعلمها الله سبحانه وتعالى وأشياء نحن لا نعلمها يعلمها الله سبحانه وتعالى وفعل الله عز وجل بوكو parmi nos contemporains ne savent même pas qu'ils sont dans l'association islamique. Ils ne le savent même pas. Et des fois, si tu dis à quelqu'un, Allah est proche de toi. Et tu lui rappelles le verset, que peut-être ce verset n'a jamais effleuré son esprit. dit, où il dit, et si mes serviteurs te demandent, hein, où je suis, dis-leur que je suis proche, que je réponds à la demande de celui qui me demande quelque chose, hein, et je réponds et j'exauce la demande de celui qui me demande. Allah, il est proche ou il est loin? Allah, il est proche. Il est proche comment? Il est au-dessus de son trône, et au-dessus du satsi, au-dessus de son trône, et malgré tout ça, il est proche de nous. Il sait ce que nous faisons. Il voit ce que nous faisons. Il connaît notre situation. L'apparent de nos situations et ce qui est caché de nos situations. Il sait tout. Il voit ce que tu ne vois pas. Et il sait les choses que toi, il ne t'arrive même pas à l'esprit. Il entend, tu vois, le bruit qu'il met, la fourmi, hein, quand il marche, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend. Alors que cette fourmi, il est sous ou là sur une pierre, un roc de pierre, pendant la nuit ténébreuse, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait où il est, il sait tout d'elle, et il entend son bruit. Alors que d'une fois, toi, la fourmi, elle est à côté de toi, tu ne la vois même pas. Hein? Tu ne sais même pas s'il existe à côté de toi ou pas. Hein? On est là, là-bas, il y a une personne, on ne sait pas ce qu'il fait. Tout est limité pour nous. Hein? Alors que les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est au-dessus de tout, hein? Il sait tout, Azza wa Jalla. Ça, c'est la puissance et la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Fa, ida aman ta'akha l'islam, bi anna rabbaka qarib, fad'uhu, wa la tad'u ghayra. Wa l'ajab li aqwamin yakuluna lak, ana sahibu dhunub, wa ana abdun faqir. Wa hatta alja ila Allah, ana akhjalu, ma'a dhunubi wa du'fi wa faqri, ana alja ila Allah. لهذا آخذ واسطة بيني وبين الله نسأل الله السلامة والعفو والعافية الوسائط في الدنيا تؤخذ لماذا؟ للتوصل إلى شيء عند إنسان تترى واسطة لكي يكون واسطتك بينك وبين المرجي المدينة حتى يسهل لك الأمر أو بينك وبين البريفي ولا بينك وبين الوزير ها؟ وإذا أنت اتخذت واسطة بينك وبين الله شبهت الله بخلقه ها؟ وهو يقول لك إذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لم يقل فليأخذوا وسيطة أو وسائط لكي يطلبوا مني شيئا ولكن ادعوني استجب لكم على طول بدون واسطة ولا وسائط فيقول الله عز وجل كنت تكوا كالله سبحانه وتعالى اللي بخش يفوك تدموند كالله عز وجل il est des situations extraordinaires de certaines personnes tu lui demande à Allah سبحانه وتعالى il te dit je suis pauvre je suis pécheur je fais des grands péchés, je suis dans les péchés tout le temps. C'est pour ça que je prends une intermédiaire entre moi et Allah pour arriver. On a là, je réfléchis. À quel moment tu as besoin des intermédiaires? Où est-ce qu'on utilise les intermédiaires? Pour ce bas monde. Tu veux avancer un dossier de logement, quelqu'un, tu prends une intermédiaire pour qu'il soit, il connaît le maire, il fait l'intermédiaire entre toi et lui. Besoin d'un local ou d'un centre, etc., comme le votre cas, prends une intermédiaire qui connaît bien le préfet pour essayer d'avancer les choses. Et ainsi de suite. On prend des intermédiaires dans ce bas monde. Mais si tu prends une intermédiaire entre toi et Allah, qu'est-ce que tu es en train de faire? De faire la similitude entre Allah et sa créature. Alors qu'Allah, il est dit dans le Coran, je suis proche. Et j'exauce le dua de ceux qui m'appellent. Il n'a pas dit j'exauce le dua de ceux qui prennent des intermédiaires. Et qu'est-ce qu'il en est? Pour tes choses de ce bas monde, tu prends l'intermédiaire d'un vivant. Mais pour tes choses chez Allah, tu prends l'intermédiaire d'un mort. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on réfléchit un petit peu? On veut le triomphe min Allah. Et on agit ainsi avec Allah. Ida biti l'wasita bil khalq, tadkhoud insan hay. Yaqdir ala hadak chi li bghi yedir. Ou la biti l'wasita binek w billah tayakhoud le miyit. Wach andna nit chi aqoul oula ma andnach? Regardez, est-ce qu'on est... Fin l'aqoul dienna. Est-ce qu'on est doué de raison ou pas? Quand il s'agit d'un vivant, on prend un vivant pour qu'il soit comme intermédiaire. Quand il s'agit d'Allah, on prend un vivant qui est capable, qui a la capacité. On sait que lui, il a la clé du maire, ou là, il a la clé du préfet, ou là, il a la clé du ministre. Et là, on prend un mort qui ne peut rien pour lui. Comment il peut quelque chose pour toi? Oui, où sont les raisons de ceux qui adorent les tombes, ou là, qui prennent des morts comme intermédiaires entre eux et Allah? فهذا مصيبة. وربنا عز وجل يسمع دعاك أخ الإسلام بدون واسطة، ويسمع استغاثتك، ويعلم ما في صدرك، ويعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، ولست بحاجة إذا دعوت أن ترفع صوتك. أخوان الله عز وجل الله سبحانه وتعالى تنطن. Et on entend ton dua. Et on entend quand tu appelles au secours, tu appelles à Allah à ton secours, il t'entend. Et il sait ce qu'il y a dans ta poitrine. Et ce que tu penses. Et ce que tu caches pour les autres. Il t'a pas besoin, quand tu lui demandes, d'élever la voix. T'as pas besoin d'élever la voix. Fi ghazwatin min al-ghazawat, sahabatu Rasulillah. وهم يصعدون ثنية من التنايا رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا. هذا معناه إذا كنت تدعو الله وتدعو ربك عز وجل فلا تدعوه بصوت مرتفع فالله يسمعك، فلماذا ترفع صوتك؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ Lors d'une bataille, frère, on a Allah Azza wa Jal. Alors que les compagnons se déplaçaient, et à un moment donné, ils montaient, ils montaient. Quand on monte, ils montaient, la sunnah veut, quand on est dans son véhicule, ou sur sa monture, de dire Allahu Akbar, tant qu'on monte la montée. Et quand on descend, on dit Subhanallah. Et là, pendant cette montée-là, les compagnons ont élevé la voix avec le fait de dire Allahu Akbar. Et ça a attiré l'attention du prophète, alayhi salam, il leur a dit. Faites attention à vous. Ne vous donnez pas tant de peine. Vous êtes en train d'invoquer, vous n'invoquez pas quelqu'un qui n'entend pas, ou là, qui est absent. Vous invoquez quelqu'un qui est lui, au sens large du terme, qui est proche. Malgré qu'il est au-dessus de tout, au-dessus de son trône, il est proche de vous, il vous entend. Cela, on retient quoi pour nous? Ça veut dire quoi la leçon pour nous? Quand même quand on invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pas la peine de crier. C'est pas la peine d'élever la voix. يقول عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولهذا انتهى الطرق الصوفية اسمع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بخير لفا هو هو هو هو il sait plus qu'il dit. Après tu n'arrives plus à faire la différence, est-ce que c'est le son des humains ou le son d'un animal? Pourquoi ils sont arrivés à ce point-là? Limada? L'ennam khalafu sunna. Khalafu ma kana alayhi rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma kana alayhi sahab al-kirab al-dwanallahu alayhi. Allah Azza wa Jalla lui dit dans un verset, quand tu invoques ton Seigneur, invoque-le en toi, invoque-le par peur, et parce que tu as besoin d'Allah Azza wa Jalla, sans élever la voix, et tu l'invoques matin et soir, et ne sois pas parmi les insouciants. C'est pour ça, tu vois, dans certains sectes, après Salat al-Asr, ils mettent le drap blanc comme chez Tijaniya par terre et commencent. Ça commence doucement au début. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Après, ça s'élève. Après, ça chauffe encore plus. Et ça, après un moment donné, ça plus qu'ils disent. Oh, oh, oh, oh. Tu ne sais plus faire la différence entre le bruit d'un animal et le bruit de l'être humain. Pourquoi ils arrivent à ce point-là? Parce qu'ils ont transgressé la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont changé la voie de leur prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'ils sont arrivés. Et tout un chacun qui transgresse la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam et qui prend une autre voie qui n'est pas celle de Mohammed alayhi salatu wassalam, il arrive à des aberrations. Obligé qu'il arrive à des aberrations. Parce qu'Allah, il a dit de cette religion, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Donc ça veut dire, tout ce qui concerne la religion, la façon de faire dua, la façon d'invoquer Allah, la façon de se marier, la façon d'obtenir ses droits, tout est inscrit dans cette religion. Hein? Et tout un chacun qui sort de là, et qui transgresse cette religion, et transgresse la loi de Mohammed alayhi salatu wasalam et la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, il a voix du plusieurs, il tombe dans les catastrophes, il ramène des catastrophes, il fait n'importe quoi, il fait du mal à lui-même, d'où il croit où il est en train de se faire du bien. Et il fait du mal à lui-même. C'est lui le premier qui va subir les conséquences. فَإِذَا دَعَوْتَ أَخَ الْإِسْلَامِ تَدْعُوا اللَّهَ في نفسك لا يسمعك أحدا فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة أن ترفع صوتك لأنه يعلم ما في نفسك يعلم ما في صدرك سبحانه وتعالى فالله ليس بعيدا عنك حتى تتخذ له الوسطاء والشفعاء الله ليس بعيدا عنك حتى ترفع صوتك فإن الله عز وجل كنت ينفوك الله سبحانه وتعالى كنت دموند الله سبحانه وتعالى تبا بزوان دي الفي لفوا Juste tu fais que tu t'entends toi. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas besoin de crier et d'élever la voix. Hein? Bien sûr, tu te fais entendre toi sans gêner l'autre qui est à côté de toi. Parce que c'est toi, tu es dans un lieu, tu vous réunis. Adel, il veut lire le Coran. Toi, tu veux invoquer Allah. Bah, tu n'as pas le droit de le gêner. Invoque Allah et lui, il lit son Coran sans que vous vous gênez les uns les autres. Hein? Enfin, d'où ne fait pas partie de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, donner le Coran en commun à haute voix. Et on s'incro comme ça. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans la mosquée, ils ont besoin de rattraper leur prière. Hein? Ou là de faire tahiyyat al-masjid. Ou là de faire salat istikhara ou autre. Et quand ils rentrent et que ça crie dans la mosquée, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ces cas-là? Il est perturbé dans sa prière. Il est perturbé dans cette prière qu'il veut faire en ramenant dedans, en ayant dedans la concentration et la dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Il n'y a que dans certains cas où il est permis d'élever la voix dans la mosquée. Hein, au moment de l'adhan, le mu'addin quand il fait iqamat salah, quand il y a une assise de science, hein, c'est tout. Le reste n'est pas permis. Hein. C'est tout. C'est à ce moment-là, où quand le khatib est sur son minbar pour le khutbah, et c'est tout. Le reste, c'est pas permis. D'où la lecture du Coran en groupe, etc. C'est une invocation. C'est la meilleure des invocations. Dès que c'est de lire le Coran en groupe. Et on ne veut pas dire que lire le Coran en groupe, la lecture du Coran est une innovation en soi. Là, ce qui est innovation en soi, c'est le comment de cette lecture. Parce que certains, ils comprennent très mal. Ils comprennent à l'envers. Ah, vous interdisez la lecture du Coran. La ikhal islam. Ah, la lecture du Coran donne beaucoup de vertus, a beaucoup de récompenses. Avec une lettre que tu lis, tu as combien de hasana? 10. Hein? C'est pas ça. Mais comment lire le Coran? Il faut le lire comment il te l'a enseigné Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Comment il le faisait les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il ramène une preuve, une seule, même faible, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est resté dans une assise et que les compagnons lisaient en commun et à haute voix, ensemble, au synchro. Une preuve, même faible, cherche-la. Dans les annales du hadith, tu ne vas pas trouver. Hein? Malakoum salam. Enfin, Allah, quand on invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, on l'invoque, hein? Même si on élève là-bas, on le fait modérément, on s'entend nous-mêmes. Hein? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas loin. On n'est pas en train d'appeler un sourd. On est en train d'appeler Allah, subhanahu wa ta'ala, dont lui n'a pas d'égal chez les humains, ni chez les créatures. Et lui, il est au summum du parfait, il n'a ni de limite, ni de fin, ni de début, ni de fin. Il est comme ici à la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, quand on invoque Allah, quand on veut demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, quelque chose, on ne prend pas d'intermédiaire. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Hein? Qui prend l'intermédiaire? C'est la voix de qui? Qui vient pour se faire pardonner? Qui rentre dans la petite pièce, il vient se confesser, et après il a le pardon signé et la clé du paradis. Qui le fait? Ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne faut pas le ressembler. Comment prendre la voix de ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit? Hein? Mais il n'a sunan, qala alayhi sallatu wa sallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Mais c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, c'est que vous allez, on va suivre ceux qui nous ont précédés. En pont par en pont, coudé par coudé. Même s'ils rentrent dans le trou d'un varan, certains de la communauté vont y rentrer. Hein? Il faut faire très attention, frère en Allah, Azza wa Jalla. Quand on part dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit et dans les situations desquelles nous a inverti Muhammad alayhi sallatu wassalam. فإذا عرفت ربك حق المعرفة أخ الإسلام عبدت ربك وإذا لم تعرف الله أشركت بالله وهذه قطع النتيجة حتمية إذا لم تعرف الله حق المعرفة أشركت به فاعرف الله حق المعرفة تعبد الله اعرف الله ستوحد ربك لأنك لن توحده إلا إذا عرفته إذا عرفته ربا وإذا عرفته إلها وإذا عرفته بأسمائه وصفاته بدون تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. عز وجل, si tu connais ton souverain, tu vas l'adorer comme il se doit. Si tu le connais d'une connaissance réelle, basée sur le livre et la sunna, et selon la voie et la compréhension du plusieurs d'Allah alim, tu vas l'adorer comme il se doit. Si tu ne le connais pas bien, tu vas tomber dans l'associationnisme. Connais Allah, tu adoreras Allah Azza wa Jal. Connais Allah, tu vas unifier Allah Azza wa Jal. Hein? Et tu dois le connaître en tant que souverain, en tant que seul digne d'être adoré. Et tu dois le connaître par ses noms et par ses attributs, sans changer le sens des noms et des attributs. Sans faire la négation des noms et des attributs. Sans faire de similitudes, ni chercher des exemples à Allah subhanahu wa ta'ala. Fait tawhid amruhu amrun khatir. Wa muhimmun lil muslim. Lidhalika yaqulu ahli al-ilm, yajibu alayna an nata'allama at-tawhid. An nata'allama at-tawhid wa nu'allima at-tawhid wa an la nashba'a min ta'allum at-tawhid. وربنا ولأهمية الأمر أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك فأمره بالعلم بأنه لا إله إلا الله قبل أن يعمل أي شيء ولا تلقي بالا أخ الإسلام لهؤلاء المخرفون هؤلاء العقلانيون لن يقولون إلى متى نتعلم التوحيد لماذا تضيعون أوقاتكم في التوحيد ونحن مسلمون؟ ها؟ مسلمون نعم. وأن تنظر يا أخ الإسلام حولك كم من الناس تذبح لغير الله؟ كم من الناس تقول لا إله إلا الله وتذبح لي ستي فاطمة وزدي محمد وزدي مبارك والبدوي وستي زينب وزدي الحسين قضية طويلة ها؟ كيف لا كيف لا تضيع هذا كلا هذا هراء هذه صفصفة ظلم من الكلام وهذه اللي تقولوا عليها بعد المشايخ ديالنا تخربيقات ها تخربيقولوجي هي هذه ما تكلموش في التوحيد ما تعلموا التوحيد ما تضيعوا وقتكم في التوحيد ايوا اش نديروا تعلموا الضمه ها اش نديروا فالمونوتيزم فريرون الله عز وجل اي تري دونجرو سا سيتوياسيون اي دونجروز اي لي اوبليغاتوار بور لو مسلمان دو لو ميتريزي C'est pour ça que les hommes de science disent qu'il est obligatoire aux musulmans d'apprendre le monothéisme, de ne pas arrêter à étudier le monothéisme, d'avoir toujours un regard sur le monothéisme. Et pour comprendre l'importance du monothéisme, écoute cette parole adressée à l'imam des monothéistes, par excellence, et à l'imam de ceux qui ont préservé les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui ont accompli le monothéisme comme il se doit, qui est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Il est dit dans surat Muhammad, « Et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et repends-toi de tes péchés. » Il lui a ordonné quoi en premier ? De savoir qui est Allah, qui est le seul des frères. Hein? Il lui a ordonné en premier le monothéisme, avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça, c'est ce qui a poussé l'imam Bukhari, rahimahullah, à ouvrir chapitre de la science, Hein? Et la preuve quoi? Et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Hein? La parole, là, le savoir avant la parole et avant les actes. Et tu ne dois pas hein, écouter hein, ces conteurs d'histoire et ces philosophes et ces enfants de l'école de la raison qui te disent pourquoi vous perdez votre temps avec la religion, pourquoi vous perdez votre temps avec le monothéisme, tout le temps le monothéisme, on est des musulmans. Certes, frère, on est des musulmans. Mais regarde combien de personnes à côté de toi disent Allahu Akbar, disent La ilaha illallah, et ils égorgent pour les tombes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens comme toi qui disent n'importe quoi, on est musulmans, on ne s'occupe plus du monothéisme. Justement, à cause de toi, et à cause de ces idées, que les gens tombent dans l'associationnisme. Ils font n'importe quoi. Ils disent « La ilaha illallah » d'un côté et de l'autre côté, ils l'annulent. Ils égorgent pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils égorgent pour les tombes. Ils demandent secours auprès des tombes. Ils demandent que leurs gamins réussissent, mais ils le demandent à Zdim Hamd et à Zdim Bark. Et j'en passe, la liste est longue. Hein? Yaoulaï, je ne sais pas ce qui sort de leur tête. Ou alors ils vont vendre leur raison à Shaitan. Ou alors, ils ne se rendent pas compte de l'énormité dans laquelle ils sont. Mais ce n'est pas étonnant, akhal l'islam. Wa hadha laysa bigharib. Liman ittakhadha al-ghurab lahu dalilan, fa innahu yamurru bihi ala jiyaf al-kilab. Ceci n'a rien d'étonnant, frère Allah Azza wa Jalla. De quelqu'un qui a pris comme guide le corbeau, il est évident que le corbeau va le traîner sur le cadavre au pion. C'est tout. Fa at-tawhid amruhu amrun muhim wa la yatim lana at-tawhid illa bin-nafi wal-ithbat. An nunfi al-ibadata li kulli ma siwa Allah wa an nuthbitaha faqat lillah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme est très important. Et le monothéisme, on serait l'accomplir qu'en accomplissant la négation et l'affirmation. En niant tout ce qui s'adore en dehors de Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en réservant les cultes exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais quand on égorge pour une tombe, et pour celui qui est dans la tombe, est-ce que on a fait la négation réellement? Même si on dit Allahu Akbar, et on dit La ilaha illallah, mais on prend la bête et on l'amène. Hein? Bismika ya Sidi Ba Billi. Laka ya Sidi Muhammad. Est-ce qu'on a accompli le monothéisme dans ces cas-là? Est-ce qu'on a compris réellement ce que je veux dire? La ilaha illallah. « فلفظة الإله لا تعني الخالق أخر الإسلام. أن تعترف بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المتصرف وهو المريد وهو الفعال. فهذه المعاني وإن كانت صحيحة كان يعترف بها المشركون في الجاهلية وكانوا يثبتونها. من المتصرف يقول لك المشرك الله، من الرازق يقول لك الله، من الخالق يقول لك الله، من المدبر يجيبك بأنه الله، ولكن لم تجعله مسلما لله ولم تجعله موحدا. لأن الأمر ليس فقط أن تقول الإله هو الخالق هو الرازق، الأمر أكثر من ذلك. Il est passé avec nous dans les cours passés que l'Ilah ça ne veut pas dire le créateur. Même si cette définition elle est dans le terme de l'Ilah, que l'Ilah c'est le créateur. Et ça ne veut pas dire non plus c'est lui qui gère et c'est lui qui fait. Ces définitions-là, les associateurs dans lesquels ont été envoyés les messagers, et alors peut-être notre prophète alayhi salam la reconnaissait. Quand il leur pose la question qui gère ce monde, ils disent Allah. Qui a créé les cieux? Allah. Qui donne la vie? Allah. Est-ce que ça a fait d'eux des monothéistes? Loin de là. Même si, hein, c'est vrai qu'Allah, c'est lui qui donne la vie. C'est vrai qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a écrit. Mais est-ce que c'est ça, la signification réelle de la ilaha illallah et de l'ilah? Sa signification réelle, c'est qu'on doit réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si les messagers avaient été envoyés tout simplement pour que les gens reconnaissent qu'Allah donne la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout et donne la subsistance, ils n'auraient pas, les prophètes n'auraient pas eu de problème avec leur peuple. Aucun prophète n'aurait de problème. Au fi kitabillah azza wa jalla hada mawjoud katir. Hein? Fi ayat فيها إقرار المشركين بأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت وما إلى ذلك كله. أما الذي كان الرسل تدعو إليه هو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. Et en ce qui concerne cette question qui est posée aux associateurs dans le Coran, il y a beaucoup. Allah سبحانه وتعالى interpellent les associateurs et ils reconnaissent la souveraineté d'Allah Azza wa Jal. Donc beaucoup de versets. Hein? Mais ce n'est pas avec ça que les messagers ont été envoyés. Les messagers ont été envoyés pour dire à leur peuple réservez le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Wa kama waddaha ahlul ilm hadhihi al-mas'ala كثير من المسلمين بل الذين ينتسبون إلى علوم الدين ما يتكلمون عن التوحيد غاية ما يطرأ على بالهم إثبات الخالق إثبات الرازق إثبات الفاعل إثبات المتصرف إثبات بأن الله هو المدبر وهذا غاية ما عندهم. إكم nous ont éclairé les hommes de science qui dignes de la communauté. Hein? Les savants. S-A-V-A-N-T-S. Dignes du nom. Et non pas les savonnettes. Hein? Les savants dignes du nom. Qui respectent l'héritage qu'ils ont eu de Mohammed alayhi salam. Et qui respectent la voix de leur puiser et leur doigt Allah alayhim. Et non pas les savonnettes qui glissent et qui font glisser les gens avec eux. Et qui ramènent leur raison dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qui décrètent ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété. Ces hommes dignes, ces porteurs de l'héritage des prophètes alayhi salatu wassalam, tirent l'attention sur que le fait que beaucoup de gens dans la communauté et dont même ils combien dans ceux qu'on dit d'eux que c'est des chouyours, et c'est des moufakiroun, asatida, et les titres, je t'en passe. Moufakir dini, da'iya, kada, et les titres. Hein? Beaucoup ne parlent pas du monothéisme. Regarde leur émission, et regarde quel temps ils donnent au monothéisme. Et beaucoup, quand ils parlent du monothéisme, ils te parlent de la souveraineté d'Allah. Allah, c'est lui qui crée. Allah, c'est lui qui donne la subsistance. Allah, et hada. Même Paul, le curé de la cinquième, il dit la même chose. بَلِنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ غَايَةَ الْفَنَاءِ فِي دَاتِ اللَّهِ هِيَ التَّوْحِيدِ يقول لك المتصرف هو الله الرازق هو الله يريد بهذا أن يحبب إليك الله حتى يقول لك إذا وصلت إلى معرفة الله هذه المعرفة فأنت تفنى في ذات الله وهذا على طريقة المتصوفة والخرافية والقبورية والمتكلمين الذين أدخلوا في دين الله وركزوا دينهم على علم الكلام هؤلاء يتكلمون هذا من أشاعرة ومعتزلة والمعاصرة من الأحباش وغيرهم كلهم على هذه الطريقة لماذا؟ لأنهم عوض أن يركزوا علم التوحيد على الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة ركزوه على المنطق اليوناني وعلى ما ترجم لهم الطالحون من أسلافهم من كتب الفلسفة اليونانية والإغريقية فضلوا وأضلوا فهذا لا يصير الإنسان موحدا الفناء في ذات الله ما معنى هذا الكلام الفناء في ذات الله أنت المخلوق ستفنى في ذات الله كيف هذا؟ أنت تحل في ذات الله الله المستعان Et certains sont arrivés à un point qui est beaucoup plus grave. Tu dis, ta connaissance doit t'amener au fait de t'anéantir dans l'être d'Allah et de fondre dans l'être d'Allah. Comment ça? Il t'amène par étapes vers ça. Allah, c'est lui qui gère. Allah, c'est lui qui donne la subsistance, etc. Il te fait, par cette voie-là, lui, il croit te faire aimer Allah jusqu'à ce que toi, tu fondes en Allah. Il dit, c'est à ça que tu dois arriver. Et le summum de la connaissance doit t'amener à ça. Ils agissent ainsi. Ça, c'est les voies des sophies et les voies de tous ceux qui ont basé la science du monothéisme sur la science de la spéculation et sur la logique et la philosophie à la gréco-latine. Tous ces harabites et cette tarbécologie l'ont prise de leurs mauvais aïeuls, qui ont traduit les livres de Platon, d'Aristo, etc. Et ça, tu le trouves dans l'école d'Al-Sofia, comme tu le trouves chez l'Ahbaj, comme tu le trouves dans certains Asha'ira, et dans le Mu'tazila, et beaucoup. Tous ceux qui ont basé la science du monothéisme sur la science de la spéculation, sur la logique et la philosophie grecque, parlent ainsi. Et ça ne peut jamais amener l'être humain à connaître Allah comme il se doit et à accomplir le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le monothéisme, sa base principale, c'est quoi? Le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu salam et la voie du puiseur d'Allah. Si on sort de là, on est perdu, c'est fini. C'est fini. On est foutu. L'égarement total. إذا الإله معناه المعبود ومعنى المعبود أننا نفرده بعبادتنا إله الإسلام ça veut pas dire le créateur إله ça veut dire l'adorer et ça veut dire que nous devons lui réserver le culte exclusivement والتوحيد الذي نحن بصدده منذ يوم الجمعة هو معناه لا معبود بحق إلا الله Et le monothéisme autour duquel nous parlons depuis vendredi, sa signification est « ni digne d'être adoré qu'Allah ». فالموحد هو الذي أقر أن لا معبود له بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما أن تقر بأنه لا إله إلا الله، وأن معناها أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومدبر هذا الكون، هذه ليس فيها نقاش أخ الإسلام. الله إله الكون، الله خالق هذا الكون، الله مدبر هذا الكون، وهذه ليس فيها نقاش ولا نناقش معك فيها. ولكن حقيقة لا إله إلا لا يعبد إلا الله، وأن المعبود بحق هو الله عز وجل. دونك المونوثيسم فريغ المونوثيست فريغ الله عز وجل سي سلوي كي كونفيرم كون كوا كي ني دين دي تادوري كالله اي كي لو سول كي ميريت لادوراسيون ا كي اون دوا فوي نوتر ادوراسيون اي سي با لو مونوثيست سي با سلوي كي ابروف ك الله هو الكرياتور الله سلوي كي جير اكسترا سي سي. La souveraineté de l'Allah, ça ne se discute même pas. C'est quelque chose de clair et net. Tout le monde la confirme. Il est inné dans l'être humain, inné avec. Comme quoi Allah l'a créé, Allah gère le monde. C'est naturel. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais les grands problèmes qu'il y a eu entre les peuples et leurs messagers, c'est adorer Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Fa Abu Lahab وابو جهل عندما رفض ان يقر بلا اله الا الله وهو يقر بان الله هو الخالق وان الله هو الرازق وان الله هو المتصرف وان الله هو المحيي وهو المميت، هل جعلته مسلما موحدا ام بقي في الشرك؟ فلنفهم هذا جيدا. اين المشكل بين محمد عليه الصلاه والسلام وابو لهب وابو جهل؟ هل هو كان في الرازق هو الله والخالق هو الله في أن يعترفوا بأن الخالق والرازق هو الله، أم كان في لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله؟ أجل على الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا. ها إن الله عز وجل منتنو شبوز لك السؤال. أبو لهب أبو جهل لتد قريش quand ils ont refusé d'approuver la ilaha illallah, alors qu'ils disaient, qu'ils savaient et qu'ils confirmaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui gère ce monde, qui donne la vie, qui donne la mort, est-ce qu'en confirmant la souveraineté d'Allah, ça a fait de des monothéistes et des musulmans? Pourquoi il y a eu le problème entre Abu Lahab, Abu Jahl et les sanades de Quraysh? Est-ce que pour le fait de confirmer la souveraineté d'Allah, Allah a dit deux dans un verset. En répliquant à Mohammed a.s., est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule divinité? Donc il comprenait ce que ça veut dire, la ilaha illallah. Il faut réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, est-ce qu'il a fait que les divinités, c'est-à-dire les adorés, soient un seul adoré? Ceci est une situation étonnante. Ils comprenaient ce que ça veut dire, la ilaha illallah, parce qu'ils étaient des Arabes. Ils savaient que la nafiya lil jins, la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, et que le culte illa, ça veut dire tout le culte doit être réservé à Allah. Hein? Maintenant, nous, on dit la ilaha illallah, on accepte de le dire facilement. Mais est-ce qu'on l'a compris réellement? Regarde, quand ces fêtes prétendaient être les mouloudes, ils arrivent avec les moussem, des saints patrons un petit peu partout à travers la planète, pour qui ils égorgent? Pour qui ils égorgent? Il dit là, il a l'Allah. Pour qui il égorge après? Ibrahim, fais que l'année soit féconde. Zdimbark, on veut une année féconde, ah, et que le troupeau soit fécond, et ainsi de suite. Et pire que ça, des actes que n'ont connu ni Mohammed a.s. ni ses nobles compagnons. Après avoir égorgé la chamelle pour Brahimullah, pour Babli, il tire sa tête pour que son sang gicle dans le fleuve qui passe, pour que soi-disant que l'année soit féconde et qu'il y ait de la pluie. Qui dit sans la pluie? Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que Hada qui dit la ilaha illallah, et qui a fait cet acte-là, est-ce que réellement il a compris la ilaha illallah? S'il l'avait compris, il n'aurait pas agi ainsi. Mais justement, son problème, c'est qu'il ne l'a pas compris. Et ceux qui devaient lui faire comprendre le laissent et l'induisent dans cette erreur-là. Soit par intérêt, parce que les caisses des mausolées pleins à rebord, soit pour l'aura sociale, parce que quand ce genre de personnes passent, Sidi Flan, hein, et par exemple, tu prends un exemple d'El Tijaniya. Tijaniya, il a le secte qui a le plus de pouvoir en Afrique. Un président africain, s'il veut être élu, il faut qu'il vienne s'asseoir comme un petit enfant au pied du cheikh d'El Tariqa d'El Tijaniya. Et c'est Tijani qui va faire, qu'il va monter ou là qu'il va descendre. Dans certains pays, la voiture d'El Tijani, d'El Cheikh d'El Tijaniya, est mieux que celle du président de la République. Il a plus de garde-corps que celle du président de la République. Hein? C'est eux qui font la politique. Il y a même des choses aberrantes. Avant que certains présidents de pays musulmans en Afrique décrètent que c'est le jour d'El Eid, il faut qu'il aille voir Cheikh d'El Tijaniya. Il a peur, ils ont peur à ce moment-là que Cheikh de tel tariqa ne concorde pas avec sa décision avec l'autre parce qu'ils ne savent plus où se mettre. Hada, il tient une certaine partie de la population et l'autre, il tient. Et surtout quand les élections approchent. Il est entre deux feux. Comment ça va se passer? Il aille. Andak, il ne faut pas croire, Anta. Si tout ce qui nous arrive comme catastrophe, ça vient comme ça. Parce qu'il y a des choses. La vénération qui n'éduque qu'à Allah, Azzawajal, est donnée à autre qu'à Allah. Hein? Enfin, si tu ne sais pas, fais le tour. Fais le tour. Va au Sénégal, tu vas comprendre. Va au Mali, tu vas comprendre. Va dans le sud marocain et dans le nord marocain. Va en Algérie. Va en Tunisie, va en Égypte, va en Syrie, va en Palestine, va, et tu vas voir. Va là-bas vers l'Asie, tu vas voir. Avec la ilaha illallah et les actes qui transgressent la ilaha illallah, qui l'annulent. Hein? Imagine, personne traverse le désert algérien, et tout d'un coup, il y a un mausolée sur la route, il n'y a rien, pas de construction. Il tourne, il fait 7 tours autour du mausolée. Et après, Ad, il démarre, il continue. Pourquoi tu fais ça? Si je ne le fais pas, ce tawaf avec ma voiture, ben ma voiture va être engloutie à quelques kilomètres par là-bas dans le sable. Il dit là, il est là. Alors de la prière, il s'arrête, il va faire la prière. Hein? Enfin, الأمر ليس بالهين أخي الإسلام إذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن فلأن الشرك عم وطم حتى مولا الدار عندك تقلب شي شوية وتلقى الحروزة في الماريوات si on est arrivé à ce point là frère en Allah عز وجل c'est que l'associationnisme a bas son plein maintenant il a pignon sur rue dans beaucoup de pays de musulmans. Même des fois, les personnes, il est avec toi ici, et dans la maison pollue avec des actes de l'associationnisme. Hein? La femme est suspendue, son cœur est suspendu à ce gris-gris qu'a fait Mamadou, ou à ce gris-gris qu'a fait Hajj Mohamed, qui est tout le temps au premier rang. Hein? Mais, hein? Et Lalla Fadma, et maintenant même nos sœurs croient que Mamadou et que Frère Mohamed vont pouvoir quelque chose pour elles. Ou pour que la vie s'apaise entre eux dans le couple. Et ça ne fait que ramener des problèmes. Certaines sœurs racontent, depuis que j'ai fait cet acte-là, je ne fais que pleurer qu'il y a des problèmes avec mon mari. Ben c'est normal. Tu transgresses la loi d'Allah. Et tu fais quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit. Et tu veux le bien. Tu rêves. Descends de ton nuage. pour avoir le bonheur, la quiétude, pour ramener la quiétude à l'intérieur de la maison et à l'intérieur de la société, il faut que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut de toi. Il faut que tu, ton associationnisme soit réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton monothéisme et ton culte soient réservés exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne t'attaches pas à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم جعلني وإياكم من الموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا